Pour vos vacances, vous êtes plutôt du genre classique, aventurier, romantique ou carrément électrique. Quel que soit votre style de vacances, Kyriade vous offre 20% de réduction sur votre séjour de 3 nuits ou plus dans l'un de nos 250 hôtels en France. Pour encore plus de découvertes, conditions et réservations sur kyriade.com. France Inter. Dans Autant n'importe l'histoire aujourd'hui, 1715, la mort de Louis XIV. Le 1er septembre 1715 à Versailles, il est 8h15 du matin lorsque Louis XIV, 77 ans, rend l'âme après une agonie de 3 semaines. Les saignées, les lavements, les bouillons et les bains d'herbe prescrits par les médecins ont été incapables de guérir sa jambe gangrénée ni même de soulager ses douleurs. Cette mort marque la fin d'un règne de 72 années. Comme il semble loin le temps du jeune Louis XIV, le bâtisseur de Versailles, le roi danseur, guerrier et conquérant, le jouisseur qui multipliait les maîtresses, l'émancipateur qui, au nez des dévots, faisait jouer le Tartuffe de Molière. À l'inverse, les dernières années du règne, marquées par un regain de dévotion, au point que Versailles se mit, dit-on, à ressembler à un austère couvent, furent aussi celles de deuils à répétition. Qui aurait pu imaginer que le successeur de Louis XIV serait son arrière-petit-fils, le futur Louis XV, un enfant de 5 ans et demi? À peine le vieux roi est-il mort que la guerre de succession est déclarée. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Joël Cornette, bonsoir. Bien, bonsoir. Vous êtes historien, professeur émérite en histoire moderne à l'université Paris 8 Vincennes, spécialiste de la monarchie du XVIIe siècle et de l'histoire de la Bretagne aussi. En 2015, vous avez consacré un livre à l'événement dont nous allons parler ce soir, La mort de Louis XIV, apogée et crépuscule de la royauté, dans la célèbre collection Les journées qui ont fait la France chez Gallimard. En quoi cette journée du 1er septembre 1715, donc, est-elle pour vous, Joël Cornette, une grande date, un tournant dans l'histoire de France? Eh bien, vous l'avez dit, 72 ans de règne, le plus long règne de l'histoire de France. Imaginez que la plupart des Français n'ont pas vu d'autres rois toute leur vie que ce Louis XIV. Et donc, ce roi presque immortel, Louis le Grand, c'est ainsi qu'il s'intitule, c'est vrai que sa mort, je dirais qu'elle est presque attendue. Autour de lui, autour de son cadavre, en quelque sorte, va se jouer cette comédie de la succession, du pouvoir, parce que ce qui est en jeu, évidemment, c'est le devenir. Que va devenir la nation France, si je peux dire, après la mort du roi? Sachant que toutes les périodes de mort de roi sont, disons, des périodes d'instabilité, des périodes de révolte. Regardez la Fronde, à l'époque où Louis XIV est enfant, des révoltes aristocratiques après la mort d'Henri IV, et les guerres de religion correspondent à la période qui suit la mort d'Henri II. Donc, c'est vraiment une période très fragile dans la mesure où l'État est pleinement incarné. Et même si Louis XIV n'a jamais dit « l'État, c'est moi », il est évident que pour beaucoup de Français, l'image même de la monarchie, c'est l'image de la France. Et donc, quand le roi disparaît, que devient l'État? C'est un grand problème. Il a construit la monarchie absolue? Il a, disons, pérenniser la monarchie absolue. Et c'est elle, d'une certaine façon, qui est tout à fait liée à sa politique et à l'administration du royaume qui s'est perfectionnée tout au long de son règne. Comment se fait-il donc en 1715, à la veille donc de la mort de Louis XIV, ce soit son arrière-petit-fils, le futur Louis XV, donc je l'ai dit, âgé de 5 ans et demi seulement, qui doivent lui succéder? Mais oui, c'est un paradoxe, puisque entre 1710 et 1715, Louis XIV a pratiquement vu mourir tous ses successeurs potentiels. Son fils, son petit-fils, d'autres encore. Et donc, il ne reste plus que cet enfant très fragile qui a 5 ans, qui va devenir Louis XV. Et ça rappelle étrangement le début du règne de Louis XIV lui-même, est devenu roi à 4 ans et demi. Et donc, autour de ce arrière-petit-fils se joue justement, je dirais, la tragique comédie de la succession. C'est-à-dire, qui va incarner l'État? Qui va prendre la place, finalement, du régent, de la régence? Et c'est évidemment un enjeu. considérable. Et la cour de Versailles, à ce moment-là, on se souvient, je l'ai dit, des fastes, des grandes fêtes, les opéras de Lully. Là, en 1715, donc le tout début du XVIIIe siècle, à quoi ressemble Versailles ? C'est plus évidemment la cour flamboyante du début du règne de Louis XIV, du règne personnel dans les années 1660. C'est une cour, vous l'avez évoqué, un peu dévote, qui, avec la figure de Madame de Maintenon, la seconde épouse, qu'il a épousée en 1683, secret de Polichinelle, si je puis dire. Et c'est vrai que Madame de Maintenon impose un ton de dévotion, un ton... Bon, et Louis XIV a 76, 77 ans bientôt, donc évidemment, c'est une cour dévote, une cour un peu compassée. Déjà, je dirais, le déplacement s'est fait à Paris, c'est-à-dire que Paris redevient, et va le redevenir d'ailleurs au temps de la Régence, le centre du pouvoir. Et il y a un personnage qui est avec lequel nous allons vivre cette fin de règne, c'est le duc de Saint-Simon, célèbre pour ses mémoires. Pouvez-vous nous dire qui est un peu cet homme ? Ah, Saint-Simon, c'est tout à fait intéressant. J'oserais presque dire que les mémoires de Saint-Simon, c'est un peu le Versailles de papier à notre disposition. Saint-Simon a vécu la fin du règne de Louis XIV, il était petit mousquetaire en 1692, et c'est un... témoin, comment dire, très critique, très acerbe de cette fin de règne, mais en même temps un document formidable, puisque évidemment, ces mémoires, ce Versailles de papier, c'est une source pour les historiens, pas la seule d'ailleurs, mais qui m'a beaucoup servi, et effectivement, Saint-Simon est le témoin de la mort de Louis XIV, de son agonie, et aussi de la succession. Dans la succession, il y a l'enjeu des bâtards du roi, le duc du Maine, le comte de Toulouse, et Saint-Simon les déteste, évidemment, Saint-Simon duc et père, qui vit d'ailleurs dans l'imaginaire de son père qui était favori de Louis XIII. C'est assez étonnant que Saint-Simon écrit au temps des Lumières, au XVIIIe siècle, mais avec une sorte de rétroviseur, comme si l'idéal pour lui, c'était ce règne extraordinaire du père de Louis XIV, Louis XIII. C'est un homme du siècle d'avant. Voilà, c'est le monde d'avant, d'une certaine manière, qu'il représente. Merci Joël Cornette. On poursuit tout à l'heure cette discussion, si vous le voulez bien. Tout de suite, 1715, la mort de Louis XIV, un texte de Pascal Memery, écrit spécialement pour Autant n'emporte l'histoire. Réalisation Cédric Ossir. Où est passé le duc d'Orléans ? 2 heures que je le cherche. On ne sera jamais prêt. Le roi peut mourir d'un jour à l'autre. Je ne porte pas le roi dans mon cœur, lui non plus d'ailleurs. Mais comment ne pas s'incliner devant le courage admirable dont il fait preuve ? Valet, veuillez donner ce pli au duc d'Orléans. Précisez-lui que c'est urgent. La course à la succession s'accélère d'heure en heure. 2 clans s'affrontent. Celui que nous menons, le duc d'Orléans et moi-même, et celui du duc du Maine. Bâtard que le roi, poussé par cette vieille guenon de Maintenon, a eu la folie de légitimer, jusqu'à les déclarer aptes à régner, lui et son frère. Quel sacrilège ! 2 clans. 2 cabales prêtes à tout pour gagner la régence. Mais le testament du roi ne livrera ses secrets qu'à son ouverture, au lendemain de sa mort. Il faut se préparer à tout, et surtout au pire. 9h du matin, ce 24 août 1715, à Versailles. Le pas alerte, l'œil vif sous sa perruque, l'habit sobre, le duc de Saint-Simon, du haut de son 1m52, ne se lasse jamais d'arpenter le château. Il en connaît les moindres recoins. Observateur infatigable de cette cour qu'il hait autant qu'elle le fascine, il connaît l'âme de chacun de ses courtisans. Courtisan lui-même, il est de loin le moins docile et le plus redouté. Conseiller du duc d'Orléans, le neveu du roi et futur régent, il nourrit comme lui de grandes ambitions politiques. Mais ils ne sont pas les seuls. Madame de Maintenon, qui est attachée au duc du Maine comme à son propre fils, souhaite ardemment son accession au trône. Pendant que le roi se meurt, autour de lui, on sauve les apparences et les complots sourdissent. Le duc d'Orléans et Madame de Maintenon sont au chevet du roi, tandis que Fagon, son fidèle médecin, l'ausculte. Il dort encore. Je ne suis pas sûr qu'il nous entende. Voilà. Je le délivre de toutes ses bandelettes. La jambe devrait en être soulagée. J'en ai bientôt fini. Nous y sommes. Voyons cette jambe. Oh mon Dieu, la jambe est congestionnée comme jamais. Et là, cette tache noire-là, elle n'y était pas hier. Monsieur Fagon, dites quelque chose. Je ne vois là rien de très alarmant, madame. D'ailleurs, peut-on vraiment parler de tâches? Personnellement, je m'interroge. Elle me semble d'ailleurs familière. Le pouls n'est pas plus mauvais que son habitude. La nuit a été difficile, mais... Cette tâche n'était pas sur la jambe du roi. Madame de Maintenon a raison. Fagon, faites venir ces messieurs de la faculté, tous. Cette tâche ne laisse rien présager de bon. Nous pensons tous à la même chose. Oh, taisez-vous de grâce. Comme vous y allez, monsieur le régent. À mon avis, sa majesté ne supporte plus ces frictions à base de lait d'ânesse. Oh. Un genre d'allergie qui pourrait expliquer cette petite tâche. Mais si... Faites venir ces messieurs de la faculté de Paris. Les chirurgiens aussi. Je ne vois pas ce qu'ils feraient de plus. Tous savants qu'ils sont, ils n'ont guère démontré leur efficacité jusque-là. Ils n'ont fait qu'approuver les soins que je leur ai dictés, la belle affaire. Permettez-moi d'exprimer quelques doutes, monsieur Fagon. Mais le roi se meurt. Croyez-vous que ce soit le moment? Le 10 août, premier jour de la maladie du roi, vous lui diagnostiquiez une débilité d'estomac. Puis le 14, comme le roi se plaignait de sa jambe, vous aviez identifié une sciatique. Quand vos errements vont-ils prendre fin? Comprenez que l'on s'interroge. Le roi se réveille. Je vous supplie de ne pas l'inquiéter inutilement au sujet de cette tâche, tant que nous sommes dans l'ignorance. J'ai mal. Ma jambe me torture. La bouche me brûle. Laissez-moi vous aider. Vous êtes là, madame. Et vous aussi, mon neveu. Et voici ce brave Fagon. J'ai passé la pire des nuits. Que m'arrive-t-il? Où en sommes-nous, monsieur Fagon? Le pouls est stable. Une bonne nouvelle. Nous allons suspendre les frictions de lait d'ânesse, sire, que nous remplacerons par du quinquina mélangé d'un peu d'eau. Ah, j'allais oublier le bouillon purgatif pour le dîner et... Pitié, non, je n'en peux plus de vos purges. Point de saignée non plus. Arrêtez tout cela. Trouvez autre chose de grâce. Il sera fait selon vos désirs, sire. Soit, nous envelopperons la jambe dans des linges d'eau de vie camphrée. Il devrait rappeler la chaleur naturelle du corps et soulager grandement la douleur. Nous les enlèverons ce soir pour juger des progrès de votre jambe. Cette nuit, j'ai compris que c'était la fin. Je le sens. Je le sais. J'ai compris que ce mal qui me ronge ne finirait qu'avec ma vie. Je vous prie, demandez mon confesseur, le père Letellier, qu'il vienne à mes côtés et ne me quitte plus. L'année précédente, Louis XIV a nommé le duc d'Orléans futur président du conseil de régence durant la minorité du petit Louis XV, âgé seulement de 5 ans. Cependant, les modalités de ce titre, de même que la nature du futur gouvernement, ne seront dévoilées qu'après la mort du roi, à la lecture de ses dernières volontés. Le duc d'Orléans et Saint-Simon sont très inquiets. Et si son titre ne devait se révéler qu'honorifique, tandis que le duc du Maine hériterait, lui, des vrais pouvoirs. Le duc d'Orléans et Saint-Simon affinent donc leur stratégie, au cas où le testament royal serait en leur défaveur. Saint-Simon travaille. Il écrit à la lueur des bougies dans son cabinet une pièce mansardée sans fenêtre. Sa boutique, comme il l'appelle. Voyons, je me relis. N'ai-je rien oublié ? Et dire que j'ai rédigé ce mémoire qui va peut-être mettre fin à 72 ans de monarchie absolue. La cour est exsangue, le peuple l'est aussi. Il est grand temps que cela change. C'est ce document que nous défendrons au Parlement après la mort du roi. Nous y jouons le destin de la France, et un peu du nôtre. Nous avons tout anticipé pour ne pas être pris de court le moment venu. Le duc d'Orléans ne va plus tarder. Ah, du bruit dans l'escalier. Entrez, Philippe. Vous avez l'air contrarié. Le roi a signé un nouveau document à joindre à son testament. Un codicille ? Encore un ? Sous la pression du duc du Maine, j'imagine. Et de madame de Maintenon. Je m'en doutais, ils sont restés enfermés 2 heures ce matin. Le roi était contrarié, paraît-il, et semble avoir agi contre son gré. Imposer leur volonté à un mourant, comment osent-ils? Mettons-nous au travail, cela vaudra mieux. J'ai préparé le déroulé complet de la journée au Parlement, le lendemain de la mort du roi. une journée cruciale dont vous serez le chef d'orchestre. Ne l'oubliez jamais. Vous avez fait un travail remarquable, Saint-Simon. Oh. Selon vous, d'emblée, je m'affirme comme le régent ? De par ma naissance, d'abord ? Parfaitement. Comme si la chose était naturelle et tombée sous le sens. N'oubliez pas, sitôt après, entre les mots, de donner des garanties aux magistrats. Montrez-leur que vous comptez sur eux, comme eux, par la suite, pourront compter sur vous. Vous ne sauriez gouverner seul, et vous ne le souhaitez nullement. Vous avez besoin d'eux, de leurs compétences. Que le message passe et soit limpide. Ensuite, je demande l'ouverture du testament, et là, imaginons, coup de théâtre. Vous n'avez rien ou des miettes, et c'est plus que probable. Votre ligne de défense telle que nous en avons convenu ? Je m'indigne, je dis ma surprise, ma colère, je proteste, au nom du rang naturel qui me désigne, etc., etc. Parfait. N'oubliez pas d'en remettre une fine couche. Évoquez cette fois notre gouvernement, son fonctionnement par conseil, la police inaudite, le mot savant pour les désigner. Conseil de guerre, conseil des finances, et j'en passe. Dites que vous aurez besoin de grands secours pour ces conseils. Ne craignez pas d'insister. N'oubliez jamais que tous ces magistrats ont été mis sur la touche par le roi, relégués à leurs strictes affaires judiciaires. Offrez-leur liberté, responsabilité, ce droit de remontrance qu'on leur a injustement retiré. Et je demande ensuite l'abrogation pure et simple du testament. À voir ensuite avec eux comment vont nous suivre ces messieurs du Parlement. Arrêtons-nous là. Nous travaillerons le discours la fois prochaine. Il est tard et nous avons fort à faire. Dernière chose, un détail, dans cette dernière ligne droite, ménageons-nous. Que voulez-vous dire ? À chaque instant, nous devons être en pleine possession de nos moyens, de jour comme de nuit. Au fait, monsieur. Pas de beuverie, ni de débauche, pas d'excès d'aucune sorte, encore moins de parties fines et autres débordements alcoolisés. L'abstinence a du bon, croyez-moi, surtout en affaires. Vous, l'homme le plus vertueux de cette cour, me prêtez à moi en ces terribles circonstances. Je n'en retire pas un mot, hélas. Méfiez-vous, monsieur, qu'en me mettant en garde de la sorte, vous ne risquez de réveiller mes monstres assoupis. Voilà qui vous serait pratique. Ce serait de ma faute. J'oubliais. Nous allons avoir besoin de répétition. Et vite. Le 26 août 1715, 16e jour de la maladie du roi, la mauvaise nouvelle tombe. On diagnostique une gangrène sénile qui atteint la jambe maintenant jusqu'à l'os. Le vieux souverain demande le Saint-Sacrement, puis, malgré la douleur, convoque la cérémonie de ses adieux à la cour. Jour après jour, les courtisans vont défiler devant le roi. Le duc d'Orléans est le premier appelé à son chevet. Mon cher neveu, j'ai fait le testament où je vous ai conservé tous les droits que vous donne votre naissance. Vous n'y trouverez rien dont vous ne devriez être content. Je vous recommande le dauphin. Servez-le aussi bien et aussi fidèlement que vous m'avez servi. Travaillez de votre mieux à lui conserver son royaume. S'il venait à manquer, vous seriez le maître. Je vous recommande l'État et le futur roi. Vous allez avoir un roi dans la tombe et un autre dans le berceau. Souvenez-vous toujours de la mémoire de l'un et des souvenirs de l'autre. Oh, cette jambe. Mon Dieu, faites-moi miséricorde. J'en ai besoin en tout. Non, n'appelez pas. Laissez-moi finir. Je vous recommande aussi Madame de Maintenon. Vous savez la considération et l'estime que j'ai pour elle. Elle m'a été utile en tout, mais surtout pour mon salut. Faites tout ce qu'elle vous demandera. Elle n'en abusera pas. Sire, je prie votre majesté d'être bien persuadée de ma reconnaissance pour toutes les bontés qu'elle a toujours eues pour moi. Je la supplie de croire que j'exécuterai très ponctuellement tout ce qu'elle m'ordonne. Allez, mon neveu, allez. Pouvons-nous faire entrer le petit roi? Je l'aperçois avec sa gouvernante. Entrez, madame. Entrez, mon enfant. Approchez. Approchez, mon enfant. Vous allez être un grand roi. N'oubliez jamais les obligations que vous avez à Dieu. Ne m'imitez pas dans les guerres. La guerre, c'est la ruine des peuples. Tâchez de maintenir toujours la paix avec vos voisins, de soulager votre peuple autant que vous pourrez. Ce que j'ai eu le malheur de ne pouvoir faire par les nécessités de l'État. Suivez toujours les bons conseils. Et songez bien que c'est à Dieu que vous devez ce que vous êtes. Allez, mon enfant, allez. Je vous aime tant, sire. Je ne vous verrai plus jamais. Vous n'allez pas pleurer. Pas vous. Pas un grand roi comme vous. Venez m'embrasser. Comme sa nature est chétive, puisse-t-il vivre longtemps? La fièvre vous brûle. Ces adieux vous épuisent déjà. Je me dois de rappeler à chacun ses devoirs avant de disparaître. J'ai vécu avec les gens de la cour. Ils ont suivi le fil de ma vie. Je veux qu'ils me voient finir. Oh mon Dieu, hâtez-vous de me secourir. Seigneur, quelle folie! À peine la nouvelle de cette gangrène est-elle parue, que tous les courtisans ont filé comme une nuée d'insectes chez le duc d'Orléans. Comme à chaque fois que le roi va mal. Mais dès que le roi va mieux, ils filent à son chevet, pour quémander, là aussi, une dernière faveur, un dernier privilège. Une noblesse oisive, asservie, à la botte. Cet après-midi, le duc d'Orléans et moi allons préparer les discours de cette journée fatidique. Je ne regrette pas de lui avoir fait la morale. Cela semble porter ses fruits à la bonne heure. Chez le roi, la cérémonie des adieux se poursuit, grandiose et interminable. Dehors, les gens du peuple se pressent chaque jour plus nombreux aux grilles du château pour guetter des nouvelles de leur souverain. Dans l'après-midi, Sa Majesté demande à voir ses chers officiers de la grande maison du roi. Les grands et les petits ensemble, sans distinction. Ouvrez grand mes rideaux. Je veux vous voir tous et que vous me voyez tous. Messieurs, souvenez-vous de moi dans vos prières. Que ceux d'entre vous qui sont supérieurs traitent leurs inférieurs avec douceur et honnêteté, comme je l'ai fait du mieux qu'il m'a été possible. Je m'en vais, mais l'État demeurera toujours. Le duc d'Orléans, plein d'espoir, raconte à Saint-Simon les promesses que le matin même, le roi lui a tenues. Saint-Simon s'en réjouit, mais il se méfie. Il sait le roi sous la coupe de la cabale adverse. Mais il est bien décidé à utiliser ce témoignage crucial quand arrivera l'ouverture du testament. Vous êtes au Parlement. Le roi est mort la veille. La salle est pleine. Attendez pour faire votre entrée. Allez-y. Sobrement. Le regard altier. Voilà, c'est bien. Allez vous placer devant le pupitre. Et embrassez du regard l'assemblée des trois côtés, en donnant l'impression de les voir un par un. Non, beaucoup trop rapide. Prenez votre temps. Mieux. Venons-en au discours. Commencez à « Messieurs, je tiens à... » « Messieurs, je tiens à réaffirmer ma loyauté à la personne du roi et mon attachement indéfectible aux intérêts de l'État. » « Articulez moins vite. » « Et mon attachement indéfectible aux intérêts de l'État. » « Ne les mordez pas non plus. Nous avons besoin de leur suffrage, ne l'oubliez jamais. » « Enchaînez maintenant sur votre légitimité. Est-il utile... » « Est-il utile de rappeler que je suis le seul prince de sang, héritier direct, en âge de succéder au feu roi. Les derniers mots de Sa Majesté, prononcés devant témoins, ne laissent aucun doute sur le sujet. Vous connaissez la suite par cœur. Allons à l'essentiel. Je suis donc... Je suis donc persuadé que suivant les lois du royaume, suivant les exemples du passé, ces derniers mots du roi à mon adresse, la régence m'appartient. Excellent. Mais redressez-vous. Laissez promener votre regard après ces mots. Intense, le regard. Implacable. Sans effrayer. Fort bien. Radoucissez pour ce qui suit. Et tâchez de soigner la gestuelle. La gestuelle ? Vous êtes un peu raide. Aidez-vous de vos bras, je sais pas, de vos mains. Sans négliger les regards, cela va de soi. Je vous laisse la place, Saint-Simon, allez-y, ne vous gênez pas. Ne prenez pas la mouche, faites comme bon vous semble. Mais reprenez à « je ne serai pas satisfait ». Mais je ne serai pas satisfait. Si à tant de titres qui se réunissent en ma faveur, vous ne joignez vos suffrages et votre approbation. J'ose vous assurer, messieurs, que cette régence, je la mériterai. Par mon zèle pour le service du roi, et par mon amour pour le bien public, et surtout, étant aidé par vos conseils et vos sages remontrances. Magnifique. Très bien vu le mot remontrance à cet endroit. Nous montrons que le pouvoir, nous le partagerons, que nous avons besoin d'eux. Le mot de remontrance renvoie très exactement aux droits dont les magistrats étaient dotés et que le roi leur a supprimés. Leur droit de remontrance. C'est un appel du pied des plus judicieux. Le roi a reçu ses deux fils bâtards, le duc du Maine et le comte de Toulouse, ce matin et à porte close. Le saviez-vous ? Le duc du Maine et le comte de Toulouse, à porte close. Qu'est-ce que cela cache ? Nous n'avons jamais eu droit à ce régime de faveur. Notre victoire est loin d'être acquise. En effet, ne nous laissons pas divertir. Et travaillons maintenant la gestuelle. La gestuelle. Mmh. La journée du 27 n'est pas meilleure. Le roi est perclus de douleurs intenses, excepté à la jambe où il ne sent plus rien. Médecins et chirurgiens décident alors de l'amputation à laquelle le roi se dit prêt. Mais devant le martyre qu'il endure, tout en offrant ses maux à Dieu, il supplie bientôt ses messieurs d'arrêter. Le 28, son état empire. Il perd connaissance à plusieurs reprises. Le 29, médecins et chirurgiens déclarent la mort imminente. C'est dans ce moment désespéré qu'un homme, un Provençal, se présente aux grilles du château, convaincu de pouvoir sauver le roi. Le duc d'Orléans accepte de le recevoir. Madame de Maintenon est avec lui. Entre, brave homme. Tu dis être médecin à Marseille ? Médecin à Marseille et grand spécialiste. Et de quoi es-tu grand spécialiste ? Des gangrènes extérieures et des intérieurs aussi. Que se passe-t-il ? Ah, vous voilà, Fagon. Puis-je vous parler en aparté ? Tous les médecins et chirurgiens présents à la cour sont ulcérés et aucun d'entre nous n'acceptera de donner au roi un remède dont ils ne savent rien. J'entends que vous abandonnez Sa Majesté à son sort. Dans ce cas, nous aurions bien tort de refouler ce brave homme. Un triste sire, un manant fort grossier. Nous en jugerons. Nous avons l'habitude, nous autres médecins de province. Alors, ces messieurs, dames, que décidez-vous ? Votre avis, madame ? Que de remords nous aurions de ne point avoir tout tenté. Laissons ce sieur Brun faire ce qu'il estime nécessaire. Parfait. Puis-je examiner Sa Majesté ? Je vais essayer de ne pas la réveiller. Voyons le pouls, tout d'abord. Ah, c'est celui d'un mourant. Mais il reste de l'espoir. Où ai-je mis ma sacoche ? Ah, merci, madame. Évidemment, on m'aurait appelé de suite, j'aurais mieux garanti le résultat. Mais rien n'est perdu. De que préparez-vous, monsieur ? Un élixir de ma composition. À moins que... Fort bien. Ah, on dirait que Sa Majesté se réveille. Messieurs, dames, un petit verre de vin de Bourgogne. Non, ce n'est pas pour moi, je blague, c'est un peu ma nature. Je prépare mon petit mélange, voyez-vous. Ne me demandez pas ce qu'il contient, c'est un secret professionnel. Je verse 4 gouttes de ma mixture, ah attention, hein, pas 3, pas 5, hein, dans ce verre de vin, et je touille, comme on dit chez nous, je touille comme ça, voyez. Vous me dites quand c'est le moment. Madame ? Le plus tôt sera le mieux. À la bonne heure. Sire, voici un très bon remède de Brun, médecin de Marseille, qui fera du bien à votre majesté. Nous alternerons ensuite les autres prises avec des bouillons de ma composition. À la vie, à la mort, advienne que pourra. Le rétablissement du roi a été de courte durée. L'agonie a commencé. La délivrance approche. Une question de jours, d'heures peut-être. J'erre dans ce palais. D'une aile à l'autre, je longe la grande galerie, au milieu de la nuit, sans but. Tout à l'heure, près de la chapelle, j'ai surpris le duc du Maine, lequel ne me voyait pas. Il s'esclaffait, se tordait de rire, au milieu de sa clique, à propos de ce Provençal, l'imitant, se gaussant, tandis qu'à deux pas, son père était à l'article de la mort. Laisser cet ignoble personnage monter sur le trône et décider de l'avenir de la France, jamais. Je vous entends pleurer, madame. Venez près de moi. Approchez. Posez votre main sur mon épaule. Oui, là. Pardonnez-moi, sire. Comment êtes-vous ? Je me sens d'un grand dégoût. Et quoi ? Vous vous affligez de me voir bientôt mourir. N'ai-je pas assez vécu ? M'avez-vous cru immortel ? Pour moi, je ne l'ai jamais cru. Je n'ai de regret que celui de vous quitter. Mais nous nous reverrons bientôt, n'est-ce pas ? J'espérais tant vous voir sourire. Ne pensez plus qu'à Dieu, sire. Pardon de ne pas avoir assez bien vécu avec vous. Je ne vous ai point rendue heureuse. Qu'allez-vous devenir, madame ? Car vous n'avez rien. Je suis un rien. Ici, à cette cour, je ne suis rien. Je serai délivrée de n'y plus paraître. Beaucoup vont se réjouir de ne plus m'y voir. Tous, peut-être. Tous, sauf mon cher duc du Maine. Je regagnerai mon école de Saint-Cyr dès que possible. J'ai tout là-bas. Ma retraite et mon tombeau. J'admire votre courage et votre amitié d'être toujours là, à un si triste spectacle. Ne vous occupez que de Dieu, sire. Nunc et inora mortis nostri. Nunc et inora mortis nostri. Les deux jours suivants, le roi congédia Madame de Maintenon et choisit de finir ses jours seul avec son confesseur. Je crois être l'un des rares, cette nuit du 31, à avoir entendu son cri, le dernier. Le lendemain, 1er septembre 1715, à 8h15 du matin, Louis XIV rend son dernier soupir après 72 années de règne à l'âge de 77 ans. Une mort aussitôt proclamée depuis le balcon du premier étage du château par le grand chambellan, une plume noire au chapeau. Les horloges sont arrêtées à l'heure exacte du décès. On prépare le corps devant lequel la cour va bientôt défiler avant d'aller saluer le jeune Louis XV. Le duc de Saint-Simon, inquiet de ne trouver nulle part le duc d'Orléans, se précipite dans ses appartements. L'endroit est sans dessus-dessous. Les domestiques semblent raser les murs. Dans l'un des salons, seul, avachi sur une banquette, le duc d'Orléans dort, à demi-vêtu, couché sur le dos, les bras ballants. Seigneur Jésus, debout, monsieur. Où suis-je ? En enfer. Levez-vous. Le roi, votre oncle, vient de mourir. Oh, paix à son âme. Vous êtes attendu pour la présentation du corps et le salut à notre dauphin. Les cérémonies vont occuper toute votre journée jusqu'au soir. Allez vous rafraîchir. Cette perruque me rend fou. Ce n'est pas la vôtre, mais celle de votre valet de chambre. Ah. La vôtre est sur le tapis. La voici. Ah, en effet, c'est beaucoup mieux. Ne soyez pas fâché avec cet œil méchant. Je ne suis point fâché, je suis ulcéré. Votre Altesse Royale. Car c'est là votre nouveau titre. Comme vous le portez. Avec quelle noblesse. Ah, ne commencez pas, hein. Où est mon soulier? Votre premier jour de régence. Tous nos efforts sur le point d'être réduits à néant. Non, mais regardez-vous. Ah, vous voilà bien sombre. Croyez-vous que j'ai oublié vos belles leçons? Le mémoire que nous avons rédigé? Notre gouvernement par conseil? La police... Policinodie. Oui, bah c'est ça, la policinodie. J'ai honte, monsieur, honte pour vous. Pour moi, pour la France. Vous avez rendez-vous cet après-midi avec le procureur du Parlement de Paris pour la journée de demain. Une journée capitale. Ne la faites pas échouer. Je ne vous le pardonnerai pas. Je vais vous dire, Saint-Simon, vous n'êtes qu'un donneur de leçons. Vous mourrez étouffé sous votre vertu. La vérité, c'est que vous êtes vieux. Ouais. Et c'est normal, parce que vous êtes un enfant de vieux. Vous avez toujours été vieux. Quand vous êtes né déjà, vous étiez vieux. Le soir même, le duc d'Orléans et Saint-Simon profitent de l'occasion pour se réconcilier avec effusion comme à leur habitude. Tandis que 2000 hommes armés sont déployés, princes de sang, ducs et pairs, en carrosses et fiacres, quittent Versailles pour Paris. Le lendemain matin, en habit de cérémonie, ils convergent tous au palais de justice, dans la grande salle du Parlement, chacun à sa place, en fonction d'un protocole très strict. Sur son banc, aux côtés des princes de sang, le duc du Maine savoure déjà sa victoire. Tous guettent l'entrée du duc d'Orléans. Tout de noir vêtu, il apparaît et impressionne l'assemblée. Le cœur de Saint-Simon bat à tout rompre quand la voix de l'orateur s'élève, un peu tremblante à ses débuts, puis de plus en plus assurée. Depuis son banc, le vieux duc l'encourage en pensée. L'affaire a duré moins de 6 heures. Mais que d'émotions et de revirements. On apprenait, à la stupeur générale, que l'autorité du régent était limitée et celle des bâtards renforcée. Le duc d'Orléans n'était plus qu'un régent de pacotille. Le duc du Maine, bien sûr, exultait. Tout le monde retenait son souffle. Puis, après des heures d'attente, le Parlement a rendu son arrêt final. Le testament royal était cassé en faveur du duc d'Orléans, pour une régence proclamée pleine et entière. Dieu merci. La cabale du duc du Maine n'a pas fait long feu. Nous sortîmes sous les vivats, le régent acclamé de toutes parts, y compris des gens du peuple. Ah, quelque chose dans l'air est en train de changer, comme le frémissement d'un nouveau printemps. Le régent déclare l'ouverture de toutes les prisons du royaume, à commencer par la Bastille. Quelle folie! Les temps changent. Alors, monsieur de Saint-Simon, avant de nous séparer, avez-vous réfléchi à notre proposition? Assurément, je la décline. Allons donc. Moi, ministre des Finances, je n'y connais rien en mathématiques, et je les déteste. Alors, quoi? Je vous écoute. Je ne veux point de rôle d'action, voyez-vous, je préfère être consulté. Je préfère plaider plutôt qu'agir, dicter plutôt qu'exécuter. J'ai trop d'orgueil pour être ambitieux. Je vous mets en garde. On ne va pas loin sans crotter son manteau. Ce n'est ni l'intérêt, ni la richesse que je recherche. Je ne le sais que trop. Si je vous fais premier conseiller du prince sur la conception et les décisions du nouveau gouvernement de régence, cela vous convient-il? Assurément. J'en suis ravi. Une chose me chagrine. Nous ne serons plus voisins. Mais nous nous verrons régulièrement. Son Altesse Royale a choisi pour résidence le Palais Royal, l'endroit le plus malfamé de Paris. Je n'allais pas vous y suivre. Je retourne dans ma maison du Faubourg Saint-Germain. Elle n'est pas si loin de la vôtre. J'espère que vous parlerez de moi un jour, dans vos mémoires. De vous, assurément. De notre jeunesse. De cette journée folle. Dans mes bras, mon premier conseiller. Long règne à la régence. Félicitations, monsieur le régent. Long règne à la régence. Le 9 septembre 1715, dans la nuit, le duc de Saint-Simon, dans son carrosse, suit avec toute la cour le cortège funèbre qui conduit le corps de Louis XIV de Versailles à la nécropole royale de Saint-Denis. Eh bien, nos rois paient le comble du pouvoir qu'ils exercent pendant leur vie par l'impuissance entière qui les suit dans le tombeau. Le cercueil du roi est placé sur un char drapé de velours noir, tiré par 8 chevaux. À la nuit tombée, on allume torches et flambeaux, des centaines de flammes, des milliers peut-être. Sur les visages, dans les regards, partout la délivrance, l'espoir. Un jour, j'arrêterai cette vie de cour pour écrire mes mémoires, rassembler toutes mes notes. Comment les finirai-je? Je ne sais. Peut-être par ces mots. J'ai si bien su aimer. J'ai si bien su haïr. « 1715, la mort de Louis XIV » de Pascal Memery, avec le duc de Saint-Simon, Scali Del Pera, le duc d'Orléans, Olivier Balazuc, Louis XIV, Philippe Dusigne, Madame de Maintenon, Brigitte Faure, le médecin Fagon, Philippe Dormoy, Brun, Mathias Maréchal, bruitage Bertrand Amiel, prise de son montage et mixage Pierre-Henri et Timothée Hubert, assistante à la réalisation Justine Dibling, réalisation Cédric Aussire. France Inter, Stéphanie Duncan, autant en emporte l'histoire. Joël Cornette, nous avons donc assisté à l'agonie de Louis XIV, ce roi tout-puissant qui incarnait la monarchie absolue. Eh bien, il est mort comme un homme ordinaire, enfin à peu près, dans la souffrance de sa chair et en chrétien qui rend son âme à Dieu. Oui, absolument. Il y a une phrase qui est dans la fiction et qui est extrêmement intéressante. « Je m'en vais ». Mais l'état demeura toujours, comme s'il y avait deux corps, finalement, dans la personne du roi. Le corps mortel, comme vous et moi, appelé à disparaître, et puis, et c'est l'essentiel, l'état demeurera toujours. C'est ça l'ADN, si je puis dire, de la monarchie absolue. C'est-à-dire la construction d'un système de pouvoir qui, d'une certaine manière, n'a plus besoin du roi pour se maintenir. C'est les intendants, c'est une administration, c'est un système fiscal, c'est toute une organisation qui va se pérenniser. Au-delà même, j'oserais presque dire, de la monarchie. On a un excellent livre d'Alexis de Tocqueville qui justement montre la continuité entre les intendants et les préfets. Nos préfets d'aujourd'hui, d'une certaine manière, sont la continuité de cet État qui demeurera toujours. Et voilà, et c'est ça qu'apporte d'une certaine manière Louis XIV. Il n'a jamais dit « l'État, c'est moi ». Non. Mais vous voyez, la vraie phrase est encore plus forte. C'est intéressant. Oui. Mais en même temps, vous l'avez dit, Joël Cornette, c'est un moment de fragilité. Enfin, de fragilité, voilà, absolument. On a senti autour du roi, justement, ce grand théâtre du pouvoir où chacun essaie de tirer la couverture, si je puis dire, à soi. Il y a le clan évidemment des bâtards, à commencer par le duc du Maine, soutenu bien sûr par Madame de Maintenon, puisque on l'a vu, Madame de Maintenon, très proche bien sûr du roi, c'est elle qui a élevé les fils, les enfants de Madame de Louis XIV et de Madame de Montespan. Et donc elle tient et elle affectionne particulièrement le duc du Maine. Et donc Louis XIV a légitimé ce qui était presque même un scandale par rapport à ce qu'on appelle les lois fondamentales du royaume. Et ça a indigné Saint-Simon, on l'entend bien d'ailleurs dans la fiction. Il va tout faire pour annuler le testament de Louis XIV. Il va l'obtenir d'ailleurs. Mais c'est quand même étonnant que le roi Louis XIV ait laissé cette situation dans son testament, une situation quand même assez bancale. Le régent, absolument, qui n'a pas un pouvoir très étendu et qui donne aussi des pouvoirs à ses deux fils bâtards, donc légitimés. C'est assez étonnant. Je pense que Louis XIV privilégie le sang. Il pense, et il a raison, que ses fils, même bâtards, à la limite, c'est le sang royal. Et donc, c'est la continuité. Le roi ne meurt jamais, finalement, dans la monarchie française. Et en même temps, Louis XIV s'est rendu compte de la fragilité extraordinaire de sa succession, puisque le seul légitime, c'est son arrière-petit-fils qui a 5 ans. Or, au XVIIe siècle, la vie est d'une fragilité extraordinaire. La moitié de la population, si je puis dire, meurt avant 20 ans. Vous imaginez ? Et Louis XIV l'a vécu dans sa chair, puisque il tous ses héritiers enfants mourir, ses ont disparu. Oui. Donc, si vous voulez, le plan B, c'est les bâtards. Bah oui, c'est ça. Si son arrière-petit-fils disparaît, le plan B, c'est les bâtards. Bah oui, contrairement à la tradition qui veut qu'il n'y ait que le sang, voilà, les couples, et là, les enfants on se de la heurte, reine qui soient... On se heurte justement à l'institution du Parlement. Les parlementaires s'estiment, je dirais, les dépositaires de la loi fondamentale, des lois fondamentales du royaume, et notamment la succession. Donc le Parlement va aller à l'encontre du désir du roi, ce qui est tout quand même à fait assez étonnant. Absolument, et c'est ça qui est en jeu à travers ce lit de justice du 2 septembre, cette fameuse séance qui assure au régent la régence absolue. C'est un coup politique, c'est presque un coup d'État, d'une certaine manière, le 2 septembre. C'est-à-dire que il y a le testament, effectivement, cassé de Louis XIV. Il y a l'érection du Parlement en, je dirais, membre presque de l'État, puisque c'est le Parlement qui décide, finalement, de la succession de la monarchie. Et en même temps, on a entendu ce mot « remontrance ». Oui. Remontrance, c'est le droit que s'érige le Parlement de critiquer finalement une loi qu'il estime non conforme à ce qu'ils appellent les lois fondamentales du royaume. Et ça donne au Parlement évidemment un pouvoir presque juridictionnel, puisqu'il peut arrêter la loi du roi. Alors évidemment, le roi a un joker, c'est-à-dire que le roi peut absolument interdire au Parlement de ses remontrances en faisant aller justice, c'est-à-dire en étant au Parlement et en imposant sa loi. On est quand même dans le régime de la monarchie absolue. Mais tout de même, je dirais que le XVIIIe siècle est déjà là en germe, c'est-à-dire le Parlement va s'opposer, ça va être d'ailleurs tout ce qui va se passer au temps de Louis XV et de Louis XVI, le Parlement sans arrêt va s'opposer à la loi du roi. C'est une belle revanche pour le Parlement qui avait c'est une été revanche, quand même que Louis XIV, freiné par Louis XIV. Non pas, il n'a pas annulé le droit de remontrance, mais il l'a réduit à rien, puisque à partir de 1673, Louis XIV décide que le Parlement ne pourra émettre des remontrances qu'après l'enregistrement des lois, ce qui évidemment annule la force politique des discours des magistrats. Il y a un très joli moment, je trouve, c'est lorsque Louis XIV, donc sur son lit de mort, fait venir son arrière-petit-fils, le petit Louis XV, futur oui. Louis XV, et il lui dit « Trop aimer la guerre, c'est la ruine des peuples, tâchez de soulager vos peuples oui. ». Il reconnaît quand même qu'il a fait des erreurs. Tout à fait. Louis XIV, c'est un roi de guerre, c'est même le titre d'un livre que j'ai écrit sur ce sujet. C'est vrai que la guerre, c'est presque une permanence du règne de Louis XIV, même avant sa naissance, puisque la guerre commence dans les années 1630, et n'arrête pratiquement pas jusqu'en 1713. Mais il y a une phrase de Louis XIV qui est intéressante. Il dit, évidemment, il dit à son arrière-petit-fils, il faut que vous vous intéressiez au peuple, ce que je n'ai pas pu faire, et il l'explique par les nécessités de l'État. Vous voyez, une fois de plus, on retrouve cet État érigé, je dirais, en impératif suprême, qui fait que la politique du roi, c'est pour la pérennité de l'État, finalement, qu'il a assuré la défense militaire du royaume, puisque... Oui, c'est quand même une défense un peu conquérante. Oui, tout à fait. Bon, évidemment, à quel prix, hein, puisqu'on pourra parler de la société réelle, la société des 20, 22 millions de Français qui souffrent, évidemment, à la fin du règne de Louis XIV. Et pour eux, la mort du roi a été une véritable libération. Oui, c'est ce qu'on entend à la fin de la fiction. Et d'ailleurs, Voltaire, qui à ce moment-là n'a que 20 ans, il est un inconnu, évidemment. Il voit passer le convoi funèbre la nuit. Il le racontera plus tard dans son livre « Siècle de Louis XIV ». Et il parle des manifestations d'hostilité du peuple. Tout à fait. Des cris, des huées, des chansons. On a peu de sources sur ce thème. Il est un des seuls, d'ailleurs, à suggérer que lors du cortège funéraire de Louis XIV, qui conduit le corps de Versailles à Saint-Denis, ça c'est une cérémonie tout à fait intéressante d'ailleurs, Voltaire évoque ses tentes, ses feux de joie de la population. Bon, on n'a pas d'autres sources si vous voulez, donc on n'en est pas sûr. Le roi est mort, je pense qu'il y a eu un temps de deuil, y compris pour une partie de la société, mais n'empêche, ça a été, je répète le mot, ça a été une libération après 72 ans d'un règne de guerre. Oui. Et cette cérémonie, donc le 9 septembre, il y a eu d'abord l'autopsie du roi, on a retiré ses entrailles, enfin, tout ça c'est un peu... L'embaumement. L'embaumement du corps, enfin, c'est le rituel qui concerne le corps du roi, après sa mort, et ce convoi funèbre, donc il part de Versailles la nuit pour aller à Saint-Denis, pour déposer le corps dans la nécropole royale de Saint-Denis. C'est étonnant cette cérémonie, toute cette cour qui se déplace en carrosse, pourquoi la nuit ? Tout à fait, c'est symbolique, si vous voulez. La cour, effectivement, va se déplacer, un cortège de 1000-2000 personnes, au soir du 9 septembre, 9 jours après la mort du roi. Pourquoi ? La nuit, c'est la mort. C'est le symbole, justement, de cette chair du roi qui va se dissoudre. Mais en même temps, on va vers Saint-Denis, qui est la promesse de la résurrection. Et tout est combiné pour que le cortège arrive à Saint-Denis à l'aube du 10 septembre. Ah, c'est ça, ce qui symbolise d'une certaine façon, après la mort terrestre, la résurrection promise au roi. Donc, alors le corps est accueilli par l'abbé de Saint-Denis, ensuite le corps est exposé dans le cœur de Saint-Denis, de l'église, et va rester exposé longtemps avant les funérailles officielles qui ont lieu bien plus tard en octobre. Donc, si vous voulez, il y a tout un enchaînement de rituels depuis la séparation de trois corps du roi, finalement, puisque les entrailles sont enterrées à Notre-Dame, le cœur est enterré à l'église jésuite de la rue Saint-Antoine, et le corps lui-même, dans un double cercueil de bois et de métal, va être enterré dans la crypte de Saint-Denis. Voilà. Ouais. Mais c'est arrivé justement à l'aube, c'est la promesse de la résurrection. Puisque finalement, le roi n'a qu'un seul juge. Et ce seul juge, c'est Dieu. Et donc, on attend évidemment la résurrection du roi et le pardon de ses péchés. C'est pour ça que c'est vrai que ces derniers moments, l'extrême onction, la confession, c'est un moment tout à fait important, évidemment, dans tout cet enchaînement cérémonial de la mort du roi. Oui, le roi songe au salut de son âme. Absolument. Comme un mortel. Tout à fait. Merci beaucoup Joël Cornette, merci à Audrey Ripouille qui a réalisé cette émission, assistée de Frédéric Martin, à la technique Corentin Rouchy. Pour en savoir plus sur le sujet d'aujourd'hui, je conseille vivement de vous, Joël Cornette, La mort de Louis XIV, apogée et crépuscule de la royauté, publié chez Gallimard dans l'excellente collection Les journées qui ont fait la France, ainsi que de vous également Joël Cornette, Le roi absolu, une obsession française, 1515-1715, édité chez Talendier et disponible en poche dans la collection Tempus. Voilà, c'est la fin d'Autant n'importe l'histoire. Vous pouvez réécouter cette émission, la podcaster sur notre site radiofrance.fr où j'attends vos commentaires, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, nous remonterons encore dans le temps à la fin du 5e et au début du 6e siècle avec un grand personnage de l'histoire de France encore, Clovis, le roi des Francs. Ce païen qui s'est converti au christianisme a reçu le baptême un soir de Noël des mains de Rémy, l'évêque de Reims. La légende de Clovis et de Clotilde, c'est dimanche prochain à 21h sur France Inter. France Inter présente le livre « Israël-Palestine, anatomie d'un conflit » de Thomas Negaroff et Vincent Lemire. Un ouvrage clair, illustré de cartes pour mieux comprendre le conflit au Proche-Orient. « Israël-Palestine », un livre France Inter.